J'arrive dans le game, je mets les petits PD mal, chaque projet je me démarque, sortais nulle part, première mixtape lucarne, premier album je t'éteins. Je leur avais dit, je me vengerai plus tard quand je fumais des culs de terre, bourré au fond du square, ça me prenait pour un schlag, j'étais du père, je parle pas beaucoup, et je garde tout en moi, je te laisse imaginer, sortir du trou, avec Russine le soir, ça se mettait à chiner. J'ai pas d'amis, j'ai que des frères ici avec qui j'ai signé. J'avais la haine avec mes larmes refraîches, je remplissais des cahiers. La haine qu'on reflète, sent pas bon comme nos cages d'escalier. Respecte que le daron qui se casse le dos à 8 sur le chantier, j'en rêvais du Cayenne, toi tu me taillais, Ray. Aujourd'hui tu demandes mon t-shirt en taille L. Je te pardonne mais j'oublie hop, des fois ça aide. Quand tu crois que ça y est, je reviens fort en Cayenne. La rue apprend mais laisse de lourdes séquelles. Tu veux que je crosse lequel, mon pire ennemi ou mon ami qu'il check, les deux ça reste des traits. Grandi dans un F de la daronne, pleuré dans le bureau du maire. On n'est pas la famille qu'on aidait mais celle qu'on laisse dans la mer. Je m'accroche au rap, paye des clips de ma poche en espérant que ça paye. J'ai pas de boss, j'espère fera la belle, on visera bien la tête. Je suis pas ton sang, tu me check par intérêt. Toi t'es qu'une perte, comme le sang des règles, premier à tirer. Le jour où ça pète, le taf normal qu'on s'y met, signer des gros chèques, sortir de la maison de G, sourire aux lèvres. Pourquoi tu veux que je me retire? Tu veux ma chute, tu parles dans mon dos, tes couteaux sont plantés. J'monte pas ma thune, j'viens d'une famille pauvre, j'pourrais pas m'en vanter. Connu les 6 du mois, à la poste, caddie à peine rempli. J'suis pas celui qui part, mais celui qui frappe, j'espère que t'as compris. L'approche lui casse les os, j'pousse la chansonnette. On n'est pas comme eux, on n'est pas comme eux. Casse les os, j'pousse la chansonnette. On n'est pas comme eux, on n'est pas comme eux. Ma vie découvre. J'aurai toujours la tête du coupable. Bronze et mat, la victime est toute pâle. Échec ou mat, tu goûteras même la douche froide. Y'a pas de secret, secret. Pas de secret. Soit tu t'accroches, refrain. Y'a pas de secret, secret. Où tu te feras crever. La procédure, frère. Y'a pas de secret. Y'a pas de secret, secret. Tu bosses, frère. Soit tu t'accroches, refrain. Deux fois plus. Y'a pas de secret, secret. 10 fois plus. Où tu te feras crever. Peu frère.